Hey, pourquoi? Ça me rappelle une chanson. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Est-ce que vous connaissez les paroles? C'est dédicace à Véronique. Il y a un mariole, il a au moins 4 ans. Il veut te piquer ta belle et ton seau. Avec les bons becs dedans, Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent que des playboys, des bacs à sable. Draguer leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde, que je t'aime. Ah, c'est pas les mêmes accords. Putain, mais je suis arrivé en retard. Hey, T-Bag, je suis arrivé en retard. Hey, salut, c'est Rallon. Hey, le pianiste, pourquoi t'as changé les accords là? Parce que ça va pas là. Déjà, j'ai du mal à chanter sur scène. Si en plus tu changes les accords, on est dans la merde. Quoi, tu me demandes un remix de Lola? C'est pas possible, je peux pas. Je connais bien les playboys des bacs à sable.

Merci. Ah, salut, c'était Renaud. Do you want to sing Supertramp? Un petit peu. On essaye Supertramp? Merci. Alors attends, pourquoi j'arrive pas à le lancer là? Ah, ça y est. Listen to Super. Raining again. Tu as la basse par corde, la basse? Could you play the bass par corde? It's the same thing, all the same thing, all the time. Do you play the bass? T'entends avec la basse? vas la trouver. Je pense que tu vas la trouver. Bon ben allez, tu viens en chemin, tu nous suis. On va voir Giorgio. Bah, c'est pour Giorgio alors. 2, 3, 4. Hey Giorgio! Hey Giorgio! Mesdames et messieurs, Giorgio. Faire ça c'est facile. Ça c'est pour un solo pour Divaï. Divaï, je suis sûr que tu vas assurer là-dessus. Est-ce que t'es prêt Divaï? Je crois que t'es prêt. Allez, on va le faire, d'accord? Après je m'en vais. Je relance. Thank you. You're so beautiful to me. So beautiful to me. Can't you see everything? You're everything I hope for. You're everything I need. So beautiful to me. Ça va, ça? Jean-Pierre, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Chacun son tour. Qui veut commencer? Jean-Pierre, tu veux commencer? On va faire une tournée tout le monde. Juste sur ces accords là. D'accord? Je sais pas, moi par exemple, il y en a un qui fait 2-3 tours et puis après chacun son tour, quoi, histoire de bien s'exprimer. Allez, c'est parti. 3. Yeah. passe, Jean-Pierre. Tu m'impressionnes, Jean-Pierre. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Jean-Pierre et Georges. Jean-Pierre et Georges dans la place. Thank you. c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Moi je mets une batterie. Thank you. les gars, faut revenir dans les synthés, dans les bonnes notes. D'accord, attends. Voilà, j'ai plus d'accord. We'll be right back. Thank you.